طيب بسم الله الرحمن الرحيم. أخذ ماذا بالأمس؟ ذكي الجنس. ماذا؟ لا نفي. لا نفي للجنس. طيب لا نفي للجنس. ما عملها؟ C'est quoi son action? Il explique après mon soum. Bidoun, tenu. Naam. Et t'as fait le khabar. Et t'as mis l'amal inna. Sauf que le is qui vient après, il vient mebni à la fatah. C'est quoi les chouroutes pour que elle agisse? Il faut que l'isme et le khabar soient maquillés à la vidéo. Naam. Et qu'ils viennent directement après. Quoi ils viennent? Que l'isme là vienne directement après le nom. An yubashir la. Naam. An isma yubashiruha. Et idha takarrat la. ماذا يحصل؟ في حكمان إما كما مع توفر الشروط طبعا مع توفر الشروط شروط موجودة لا ولا الشروط كما نقول دي avant c'est العمل de إنا نعم et si et l'autre c'est en fait ça change il y a un changement dans l'arabe. كنا شيئاً إما الإعمال وإما الإلغاء الإعمال فتك الناجس الإلغاء فتك الناجس والاسم الذي يأتي بعدها سيكون مبتدأ سيكون مبتدأ مرفوع tout simplement. Donne un exemple de اسم لا لا إله إلا الله لا إله إلا الله أحسنت. طيب الآن سندخل في التاسع من المنصوبات من الأسماء. التاسع أن تبدأ المراجعة لأن بقية مثلا بقي ثلاثة من المنصوبات بعد كملنا ثم نراجع والمراجعة من المنصوبات كلها إن شاء الله. اليوم نخوض المنادى. المنادى قال المصنف رحمه الله تعالى في الأجرمية باب المنادى. المنادى خمسة أنواع سنكتغوي: المفرد العلم، والنكرة المقصودة، والنكرة غير المقصودة، والمضاف والمشبه بالمضاف. فأما المفرد العلم والنكرة المقصودة فيبنيان على الضم من غير تنوين، نحو يا زيد ويا رجل. والثلاثة الباقية منصوبة لا غير. تقريرا دو نوفو منصوب qui est le munada. كما سيذكر في الشرح. قال أسلوب النداء من أساليب المستخدمة في كلامنا اليومي، لأننا كثيرا ما نريد استدعاء شخص لأمر من الأمور. المات أوصي لأننا كثيرا ما نريد نعم فنناديه باسمه ونقول مثلا يا زيد، أو نناديه بصفة من صفاته نقول يا رجل. وهذا هو يقول parmi le style de parler arabe il y a ce qu'on appelle Nida, l'appel, l'interpellation. Parce que tu interpelles quelqu'un. Wahaza, tous les jours on s'en sert. Parce qu'on appelle quelqu'un au loin qui marche, Mathalen. Et c'est un sloub chez les Arabes qui se fait avec Bad Hurouf, l'unida, de l'appel. L'unida, c'est l'appel. Des fois, l'unida, yutlok à la l'azan. Comme a dit le Nabi sallallahu alayhi wa sallam, il est samitum. من إذا سمعتم المؤذن ينادي وغلا حول حول هذا فكلوا من إذا سمعتم النداء فكلوا مثل ما يقول المؤذن هذا إذا سمعتم النداء فقولوا مثل ما يقول المؤذن si vous entendez l'appel, c'est-à-dire l'azan, l'appel à la prière, alors dites comme dit le muezzin. Répétez ce que dit le muezzin. An Abi Sa'id muttafaqun alayh. Donc la personne on l'appelle, مثلاً ya Zaid ou ya Rajul, ça dépend du hal. Donc là, بحسب الأحوال الأحكام تختلف, comment tu appelles quelqu'un, et ça dépend qui tu appelles. قال ويتكون أسلوب النداء من شيئين. Il se compose de deux choses. أحدهما حرف النداء. Premier c'est le حرف النداء. ومن حروف النداء الحمزة وأي ويا وأيا. Donc ça c'est parmi les حروف du nida. Il y en a d'autres. Le حمزة tout seul, أي ou يا ويا هي أم الباب. C'est le plus employé, le plus fréquent. ويا أيا يا وكذلك. Il n'a pas cité, il y en a d'autres. Donc ça, c'est la première chose dont se compose le nida. Awalan harf nida. Athani munada. Ou al-ismul matloub ou igbaluhu bi ahadi ahruf nida. Munada, c'est le ism maf'oul à la base de nadi ou nadi, qui veut dire appeler. Nadi ou nadi, ça veut dire appeler quelqu'un. Donc munada, c'est ism maf'oul, c'est celui que tu appelles. Et là, istilahan wa, c'est le nom de celui dont tu veux la réponse, que tu appelles avec l'une des hurufs citées auparavant. قال المنادى من حيث إعرابه وبناؤه نوعا مبني ومعرب. Ce منادى له حكمان, il peut être مبني ou معرب. Alors on va savoir à quel moment il est mabni, à quel moment il est mu'arab. Awalan al-mabniyun huwa nou'an. Il est mabni dans deux situations. Al-oula al-mufradu al-alam. Al-mufradu al-alam. Ta'arifuhu huwa ma laysa mudafan wala shabihan bil mudaf. Est-ce al-mufrad al-alam? C'est un nom propre qui n'est ni mudaf ni shabih bil mudaf, qui ressemble au mudaf. Mithaluhu, qawluhu ta'ala ya adamu. D'accord, ya adamu. Wa qawluhu ya maryamu. Donc c'est quand tu appelles une personne par son prénom, qui est un nom propre, et ce prénom n'est pas mudaf mudaf ilayhi, comme Abdullah ou par sa kunya. Ça c'est exclu. Et ça ne ressemble pas non plus au Moudaf. Shabih bil Moudaf, ça va arriver, inshallah. Ya'rabuhu ya Adam. Ya harf nida. Mabni ala sukun. La mahala lahu min ya'rab. Wa Adamu. Adam munada. Mabni ala dham. Lianu mufradun. Alamun. Donc le mabni ala quoi? Ala dham. Fi mahal nasb. Fi mahal nasb. Ça c'est le premier. Al-mufrad al-alam. Ya Zaidu, yadkhul fi hadha. Taqul ya Ibrahim, yadkhul fi hadha. Thani al-munada al-nakira al-maqsuda. Al-nakira al-maqsuda. Wa ta'rifuha hiya allati yuqsadu bi nida'iha mu'ayyan. Là, c'est le fait de faire un nida d'une personne particulière sans pour autant connaître son nom. مثلاً. فهمت هذا؟ تنادي شخصاً معيناً تقصده وبنفسه لكن بدون ذكر اسمه. Tu l'appelles, tu le vises lui en particulier sans l'appeler par son nom. C'est ça Nakira Maksouda. كما جاء في الحديث قول النبي صلى الله عليه وسلم يا غلام سم الله وكل بيمينك وكل ما يليك dans le hadith غلام ô jeune garçon nomme Allah c'est-à-dire lorsque tu manges dis bismillah mange avec ta droite et mange ce qu'il y a devant toi par quoi là يا غلام ou في الحديث حديث ابن عباس يا غلام إني أعلمك كلمات يحفظ الله يحفظك. Pourtant c'était Ibn Abbas, Abdullah, il connaît son prénom. Mais il a dit Ghulam. Ghulam, c'est pas un Isma'alam. C'est un wasf. Mais tu vis, c'est qu'en particulier à ce moment-là. Fahukmuhu al-bina al-adham. Qala ya'rabuha ya ghulamu ya harf nida. مبني على السكون لا محل له من الاعراب غلام منادى مبني على الضم في محل نصب كسر نكره مقصوده ففي هذين الموضعين يكون المنادى مبنيا على الضم سي لوكيل سي مفرد علم et nakira maqsouda. Fahamt al-farq baynahuma? طيب. Donc là ce mot là c'est bina ala dhamm. Yaqul thaniyan al-munada al-mu'rab wa huwa thalathatu anwa'. Maintenant celui qui est mu'rab, il va être mansoub bien évidemment. Lui il a trois catégories كذلك. Awalan النكرة غير المقصودة le contraire de la dernière là c'est نكرة محض طيب نكرة qui est pure تعرفها هي التي لا يقصد بندائها معين بل تشمل كل فرد تدل عليه donc là tu ne vises pas une personne particulière mais elle englobe tous ceux qui rentrent dans cet appel مثالها un exemple قول الواعظ يا غافلا تنبه سلام تنا خطيب le minbar في une khutba s'adresse et dit يا غافلا تنبه ou toi le distrait est-ce qu'il vous dit qu'en particulier à ce moment-là là tous ceux qui rentrent là-dedans dans la rofla ou مثلا un aveugle ça sera plus c'était un aveugle ça peut être dans les deux cas un aveugle c'est dans la rue et il y a des gens autour de lui il y a rajulan khus bi yadi pour faire traverser oh l'homme prend par la main pour faire traverser maintenant ça dépend ça peut être une nakira maqsouda s'il y a mis une seule personne à côté de lui c'est pas qui elle est il dit il y a rajul khus bi yadi il sait qu'il y a quelqu'un à côté de lui. Donc là, il va viser quelqu'un en particulier sans connaître son nom. Ça rentre dans quoi ? Nakira Maksouda, ce qu'on a pris avant. Là, ça va être Mabni al-Adham. Mais si jamais il y a plusieurs Rijal autour de lui, et il veut l'un d'entre eux, Mathalan, il va dire Ya Rajulan Khuzbiyadi. Là, il vise n'importe quel homme parmi les hommes présents autour de lui. Tu vois, c'est une langue, elle est très précise. Donc, il y a harf nida, wa ghafilan munada mansub, wa alamat nasbiya al fatha al zahira al akhiri. Lina ou nakira ghayr maqsouda. Donc, ça, c'est le premier cas où il est mansub. Thani al mudaf. تعريفه هو الذي يتكون من اسمين ثانيهما مجرور دائما. ذا après c'est le مضاف avec le مضاف إليه. Le مضاف il va être منصوب. مثاله قوله تعالى يا أهل الكتاب. قال يا أهل الكتاب. وقوله يا قومنا. يا قومنا. Dedans ça rentre la kunya. يا أبا زيد. هنا أبا لمضاف. يا أم فلان كذلك. Ça rentre dedans. Aujourd'hui, tu vois. هل ترى الناس يطبقون هذا؟ يا أبو فلان. Tout de suite. Tu dis non, c'est يا أبا فلان. C'est pas أبو فلان. Il est منصوب سمونادا. Il peut l'appliquer cela. Ou ils font attention. Ils connaissent, mais. Dans les langues, il faut plus attention. Tout est marfou avec eux. Tout est bête à Boufoulen, il y a à Boufoulen, Raïtou à Boufoulen. Tout. Il n'y a pas de tatbik, des ahkam. Fa'yara Abouhou, il y a Harf Nida, Taman, Ahla, Munada Monsoub, Kazadik Kouma, Munada Monsoub, Lenou Moudaf, Waramatou Nasbi, El Fatah Ezara Al-Akhiri. Ou Mathalen, un ism ta'bid, tu vas dire ya Abdallah, c'est un mudaf. Même si c'est un ism alam, là c'est un mudaf. Il ne rentre pas dans Mufrad al-alam. Tu vas dire ya Abdallah, ya Abdurrahman, tu vas dire ya Abda, tu l'appelles. Taïb. Afou ma'ala. Wa thalith, huwa. Troisième cas où il est mansoub, Al-Munada Al-Mushabbah Mil-Mudaf. Et celui qui ressemble à un Mudaf, mais ça n'en est pas ça. Ta'alifuhu, wa mattasala bi shay'un min tamam ma'na. C'est une chose à laquelle qui est apparentée à autre chose pour compléter le sens. Un exemple, ya tali'an al-jabala. Ya tali'an al-jabala. Souvent, le Shabih Bidou Moudaf, ça va être un ism qui fait le travail d'un fi'l avec son son mansoub ou son marfou. Par exemple, là, quand tu dis Ya Tali'an al-Jabala, tu aurais pu dire Ya Tali'a al-Jabali. Ça aurait été un moudaf moudaf ilayhi. Vous voyez ? Ça aurait été un moudaf moudaf ilayhi. Talir, celui qui monte les montagnes. Et là, min khasa'is l'ism al-fa'il, c'est qu'il agit comme un fi'l également. Ça veut dire yarfa' al-fa'il wa yansib al-mafoul. Quand tu dis Talir al-Jabala, Talir al-Jabala, il y a l'abdul Jabala, ça va être quoi la maful bihi? Là, c'est un isme, attention. Mais c'est un isme qui fait le travail du fi'l. Ka al-isme, isme al-fa'il, bimarna al-ladhi af'al. Ça veut dire al-alim manhu ou al-ladhi a'lam. Al-jalis ou al-ladhi ajlis. Al-talir ou al-ladhi atla. يجيب هذا المعنى. دونك لا كنت يا طالعا الجبل كانك تقول يا لا شي باسون بوال مت لا لا tu pourras pas mettre l'ismo sous là après. المهم شبيه بالمضاف سواصل مضاف إليه sauf que il y a pas de jar et que ça, le مضاف il fait le travail d'un verbe. À la base son munada ça aurait été طالعون الجبل. Ça aurait été طالعون الجبل. Et Al-Jabala, c'est un arabe, on a dit c'est Maful Bih à ce moment-là. Ça, c'est une chose nouvelle pour toi. Il y a différentes arkiem dans le Shabi Abi Moudaf. Il reste Akira sur là. Hein? Il reste Akira sur là. Il reste son talon, il reste, je veux dire. Ouais, parce qu'il ressemble au Moudaf, donc il n'y a pas de L. Washaythani, Nida, Harfia, Bardahu, Mayati L. Mayati L. Tu dis pas Ya Arrajul. Maya Juz. Elle, Bardia, Mayati. Tu l'enlèves. Même quelqu'un qui aurait un prénom avec un L, مثلا Zubayr ou El Abbas, tu enlèves le L. Tu dis Ya Zubayr, Ya Abbas. Donc là, on a le droit de dire Tali'un. En dehors du Nida, ala, tu dis Hada Tali'un al-Jabala, ou tu peux dire Hada al-Tali'a al-Jabala. Tu peux dire les deux. Donc, Shabi ibn Mudaf, Hukmuhu, An Yakuna Mansouban. Donc, tu as Kulia, Harf Nida, Tali'an. منادى منصوب لأنه مش شبيه بالمضاف وهو وصف يعمل عمل الفعل d'accord c'est un وصف une description qui fait le travail du fi'al كانك قلت يطلع الجبل comme on a dit tout à l'heure والجبل مفعول به منصوب donne-moi un exemple de شبيه بالمضاف حتى أرى أنك فهمت Sans idée. Hein. Dis. Al-Jalis. Al-Kursi. Là, il faut que tu aies un harf au jar. Tu dis pas Najis Kursi. Fais le Kursi. Al-Kursi. Aïe, Al-Kursi. Mais là, c'est pas un Shabi Moudaf, c'est un Hafoujar d'ailleurs. Là, tu as un Ism Fa'il, c'est vrai, il y a un Amel Fiel. Mais seulement, il faut que ça ne ressemble pas à un Moudaf, parce qu'il y a un Hafoujar qui est venu. Donc, on en trouve un autre où il n'y a pas de Hafoujar. Aïché prend un Ism Fa'il d'un Fiel Mouta'addi. Et après, tu m'as un Foulbi. Mathalan. Darim, Al-Kouleta. الضارب الأولاد نعم تبدي ضارب هذا رجل ضارب الأولاد تمام وتبدي هذا رجل هو الضارب الأولاد تبدي aussi en mettant le L ou tu peux le mettre مضاف مضاف إليه هذا ضارب الأولاد Amt. Le manat n'est pas calé. Après, c'est dans l'arabe, ça va changer. Après, le Shabi Abi Moudaf, il y a d'autres. Même Aoussa, là, on a appris par Ism Fa'il, ce qui est Ashel. Mais tu as d'autres choses. Amché, quand tu apprendras bien les Arkem du Shabi Abi Moudaf, tu sauras que ce Hukm, il est Mansoub, fin Nida. Hada l'azi akhadna l'yom. Al-Munada, kunna wa l'aksmein, ma yubna ala dham, wa fil hakika ma yubna ala ma yurfa'u bihi. C'est ça qu'il faudrait dire. Et Wanoan, c'est le Mufrad al-Alam, misli Ya Zaydou, Ya Maryamou, Ya Muhammadou. Donc lui, il est même à Zom, fi Mahal Nasb. Et on a Nakira Maksouda. Tu vas dire Ya Rajulu, comme l'aveugle dit Ya Rajulu, Khosbi Yadi. Oh, l'homme, prends-moi à ma main. Prends-moi par ma main. Thumma Nu'athani Walazi. ينصب مباشرة ومنصب on a dit c'est trois catégories كذلك عندنا نكرة غير مقصودة كقول الواعظ يا غافلا تنبه dans sa khutba il parle ou des fois il va dire يا مسلمين اتقوا الله il parle à tous les muslimines sans viser en particulier Et tu as le mudaf, mudaf ilayhi. Tu vas dire, مثلاً, ya Abdullahi Ijlis, ou ya Abdullahi Isma', ou ya Ahl al-Kitab, comme a dit le Coran, ya Qoumana, ou ya Abba Foulain dans la Kunya, ya Abba Foulain, ou Thalith, ou Shabih bil mudaf, ya Tali'an al-Jabala, ya Dariban al-Awlada, ya Akilan al-Ta'ama, ou ذلك. طيب وقاعده يتفن التمارين يقول استخرج المنادى من بين نوعه في الايات التاليه طيب dans les versets qui sont le munada tu dis c'est quoi son nom قيل يا نوح اهبط بسلام ان المنادى نوح اي نوع هذا مفرد العالم مفرد العالم ثالثا وقيل يا ارض ابلغي ماءك نعم مقصودة نكرة مقصودة يا قومنا اجيبوا داعي الله نعم مضاف إليه منصوب طيب قال ما نوع المنادى في الحديثين التاليين سيكي جرد المنادى نصد الحديث أولا قال النبي صلى الله عليه وسلم يا عبادي يعني في كل عز وجل الحديث القدسي بيان سور يا عبادي كلكم ضالون إلا من هديته فاستهدوني أهدكم رواه مسلم طيب هات إعلام عبادي كي تي بو لا عبادي عبادي عباد ما يعلم عباد منادى منادى مضاف لا منصوب منصوب وعلامة نصبه علامة نصبه فتحة وسكون سكون وفتحة عبادي الفتحة أين الفتحة؟ جبت فتحة مقدرة مقدرة أيوة بوكوا منع من ظهوره من ظهورها منع من ظهورها ال لا متكلم استفسار مقصود لا فسولا فسولا من ظهوره المناسبة peut dire version longue اشتغل المحل بحركة المناسبة ايوه قصدي يا متكلم سي مناسبة هو مضاف c'est à la fin tu le dis هو مضاف ثم قال النبي صلى الله عليه وسلم يا أبا ذر إذا تبخت مرقة فأكثر ماءها وتعاهد جيرانك رواه مسلم نسي شيء مضاف مضاف هات إعراب يا حرف نداء نعم أبا اسم اسم منصوب وعلامة نصبه على منادى منصوب على منادى منصوب وعلامة نصبه علامة نصبه الألف صح الألف لأنه نيابة من عن الضمان لأنه من الأصبح نيابة عن الفتحة الفتحة نعم لأنه من الأصبح مصر وضر مبكرين أحسنت طيب مفهوم هذا خلاص كملنا المنادى باقي المفعول لأجلي والمفعول معه وكملنا الأسماء المنصوبات يعني في الأسبوع الآتي إن شاء الله كملنا الكتاب بإذن الله تعالى. فإلى هنا سبحانك وبحمدك لا إله إلا أنت استغفرك واتوب إليك.